encore trouvé la paix. Pas encore trouvé la place pour une fille que j'aime. Mais j'ai l'impression d'être au clair avec moi-même devant la glace. Je suis parti seul une fin d'été. Fallait que je comprenne pourquoi je dérive. Alors ce soir j'erre sur le quai à la recherche d'un bateau ivre. Je connais les petits qui prennent la fuite, qui cérébralisent trop. Les pères de famille dépressifs qui s'arrosent le soir au bistrot. On se pense immortel, on est jeune jusqu'à ce qu'on le devienne plus. Dans la mémoire tellement d'échecs, t'aimerais que la neige redevienne pluie. Je crois qu'au fond devenir un homme c'est protéger son cœur d'enfant. Rien n'a changé, papa est triste et mamie parle encore en franc. Des frères perdus à 27 ans, on pourrait croire qu'ils sortent du bac. Je suis comme je suis, je dis ce que je pense même si parfois je manque de. Je garderai mes souvenirs intacts, même si mon corps subit l'impact. Même si j'affronte des durs océans, j'ai déjà glissé sur une flaque. J'ai perdu des potes sur la route, y'a leur blase sur mon vieil spack. Ce soir je m'endors au chant du vent, y'a des musiques qui vieillissent pas, cousin. Je traîne en bas d'un bloc, ce soir j'ai rien à faire. Je vais dériver comme le bateau ivre. Je vais louer une loque et mettre un plein d'essence. Je vais partir à Dame ou à Deauville. Mon sac est vide dedans, j'ai mis 2-3 affaires. Parce que j'ai pas d'attache ici. Moi je me sens mieux tout part, je me sens mieux tout part. J'ai commencé le rap en ma apka, la petit roubaisin, je viens pas de Paname. Je fais des freestyles entre mes sa mère comme si j'étais Abdallah. Je voulais tout baiser sur la scène comme Makala. Un jour tout s'accélère comme la smala. Ça pue la merde, ici c'est pas là. Mais y'a un monde entre le dire et le faire. Tu parles, on fume du shit trop fort. L'odeur attire les gyrophares. Mon refrain t'invite les phares. Traîne plus avec, c'est que mes trop pessimistes. Les ondes négatives que tu renvoies, tes frères oh, les subissent. Là je prends un peu de bon temps, je descends dans le sud avec mon équipe sûre. Je vais longer le bord de la péninsule, penser à des choses un peu absurdes. Parce qu'on est tous bizarres au fond, pas là pour jouer les bonhommes. Mais bon, sache qu'on ira se battre, même si cette vie nous prive des armes au front. J'ai lâché mes livres d'école pour des soirées shit et clopes. Triste époque, enceinte qui déconne, vie de merde. Fallait glow up, dis à part toi-même, dis-moi qui te bloque. Moi je parle avec mes yeux comme DJ Bond, bébé. Je traîne en bas d'un bloc, ce soir j'ai rien à faire. Je vais dériver comme le bateau ivre. Je vais louer une loque et mettre un plein d'essence. Je vais partir à Dame ou à Deauville. Mon sac est vide dedans, j'ai mis 2-3 affaires. Parce que j'ai pas d'attache ici. Moi je me sens mieux tout part, je me sens mieux tout part.